Le ministère syrien des Affaires étrangères et de l'Immigration a publié le 16 une déclaration contre les manœuvres militaires américano-sud-coréennes contre notre République. Il y a condamné catégoriquement au nom de la République arabe syrienne les manœuvres militaires conjointes de toutes formes et les menées conspiratrices contre la République populaire démocratique de Corée et précisé que la Syrie se tiendra invariablement du côté de la direction et du peuple coréen en lutte dynamique.